Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. C'est un scandale inouï, il est presque partout et on en parle peu, celui des décharges sauvages. Pourtant, il avait été à l'origine d'un drame, vous en souvenez peut-être, la mort du maire de Signe, commune de 2600 habitants située dans le Var. C'était le lundi 5 août 2019. Jean-Mathieu Michel, le maire, avait été renversé par une camionnette dont il voulait verbaliser les occupants. Il était maire de sa commune depuis 36 ans. Jean-Mathieu Michel, mort dans l'exercice de ses fonctions, renversé par une fourgonnette. Les faits se sont déroulés entre Marseille et Toulon, à Signes dans le Var. En plein milieu d'après-midi, Jean-Mathieu Michel emprunte cette route quand il aperçoit deux individus en train de décharger des gravats sur le bas-côté. Il s'est présenté devant les gens qui étaient en train de décharger les gravats, en leur disant « Vous êtes en train de salir le territoire de la commune, vous ne devez pas faire ça, j'ai appelé le garde, vous allez être verbalisé. » Les deux hommes acceptent de ramasser, mais à l'annonce de l'arrivée de la police, ils veulent repartir et renversent l'élu à l'arrière du véhicule. Dans la commune d'à peine 3000 habitants, l'émotion est immense. C'est quelque chose d'inacceptable. Ici, le maire était connu de tous. Au cours de ses 6 mandats, il était devenu une figure locale. Jeannot, on le connaît, moi personnellement, je le connais depuis 45 ans. Bon, ben, c'est un ami qui part, quoi. Ça fait quand même quelque chose. On n'en revient pas tous, j'ai fait le tour du village, on est abasourdi. Il sera toujours dans notre cœur. Super Fail. Pour comprendre comment cette pratique s'est enracinée, je me suis rapproché de Jacques Duplessis, il est journaliste indépendant et il a enquêté notamment pour le journal La Croix sur les décharges sauvages dans le sud de la France. Il nous présente l'ampleur du phénomène dans le département du Var. Les associations, par exemple, rien que dans le Var, ont constaté qu'il y a à peu près 80 décharges illégales dans le département, donc des dépôts sauvages. Et certains sont énormes. Par exemple, à Puget-sur-Argence, les autorités ont été constatées des infractions dans une entreprise qui stockait 7000 m², c'est-à-dire plus qu'un terrain de foot, sur 15 mètres de haut, c'est-à-dire un immeuble de 4 étages, et ça représentait 160 000 tonnes de déchets du BTP qui étaient stockés illégalement. Donc ça représente c'est vraiment faramineux ce que ça représente. Comment expliquer ce phénomène de décharge illégale ? Ça s'explique par la recherche d'un profit maximum. Aujourd'hui, une entreprise doit déposer ses déchets dans des décharges légales. Et ça a un coût. Ça leur coûte 10 à 12 euros la tonne. Et par contre, si on trouve un particulier ou des gens qui ont un terrain, qui ont une entreprise, enfin, ou qui ont un terrain, par exemple, des fois, ça peut même être des vignes, pour y revenir, qui acceptent de prendre des déchets illégalement, ils vont les payer 2 à 4 euros la tonne. Donc, c'est une énorme économie pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'elles font ça. Cette pratique s'est tellement généralisée dans la région que 6 entreprises du BTP ont même créé une filière parallèle de gestion illégale des déchets pour générer du profit. Ces entreprises obtenaient des marchés d'évacuation de gravats facturés au prix prévu et déversaient les déchets sur des terrains privés ou publics en trompant ou en menaçant les propriétaires. Le 9 juin 2020, 200 gendarmes sont mobilisés pour mettre un terme à cette organisation qualifiée évidemment de quasi-mafieuse. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette vaste opération de gendarmerie dans le sud de la France. Après plusieurs mois d'investigation, elle a mobilisé 200 gendarmes. 11 personnes ont été placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé une filière clandestine qui déversait des milliers de tonnes de gravats en pleine nature dans le Var et les Alpes-Maritimes. Reportage Baptiste Guenet et Henri Paul Amard. Une montagne de déchets accumulés sur près de 20 mètres de hauteur. Première plateforme, on est à peu près entre 4 et 5 mètres. De nouveau, une autre plateforme de 5-6 mètres. Et perdu là-bas dans les arbres, il y a encore une plateforme de 3 à 4 mètres. Du plastique, des métaux, du goudron, il y a un peu de tout sur ce terrain appartenant à une collectivité locale. Depuis plusieurs mois, des entreprises du BTP venaient ici déverser leurs chargements en toute illégalité. C'est la biodiversité naturelle du département du Var qui a été, passez-moi l'expression, foutue en l'air et de manière irrémédiable. On ne pourra plus revenir sur l'état naturel qu'on connaissait. Évidemment, les professionnels du secteur ne pouvaient pas demeurer inertes. La fédération du BTP du Var s'est constituée partie civile dans cette affaire. Le président de la fédération, Jean-Jacques Castillon, s'inquiète du développement de cette pratique. La problématique de terre brûlée, c'est qu'il y a des personnes, des transporteurs, des maîtres d'ouvrage, des transporteurs et des entrepreneurs qui ont outrepassé ces règles et qui ont stocké des déchets sur des terrains, sur des propriétés, avec l'accord ou pas des propriétaires, et ce qui est totalement interdit. On a décidé de se porter constituer partie civile, c'est tout simplement parce que c'est une économie parallèle. Les prix qui sont pratiqués par ces personnes sont loin d'être les mêmes que ceux qui sont pratiqués par des décharges dignes de ce nom, déclarées en préfecture, et bien évidemment c'est de la concurrence déloyale. Dans son enquête, Jacques Duplessis a observé les conséquences concrètes de ces décharges illégales, et c'est assez inouï. Certaines vignes classées AOC poussent sur des montagnes de déchets. Alors pourquoi les vignes ? Parce qu'en fait, il faut faire des restanques. Donc, c'est-à-dire, des fois, il faut faire des paliers pour planter soit des vignes, soit des oliviers dans le midi. Et pour ça, il faut de la terre, ou normalement de la bonne terre. Mais des fois, c'est tentant, alors qu'on a besoin de remblai, de demander à des entreprises, ou souvent même ils sont démarchés par des entreprises du BTP qui cherchent des lieux de dépôt illégaux. Et donc, en fait, ça leur permet, au lieu de payer pour faire venir de la terre, eh bien, de recevoir de l'argent pour mettre des déchets du BTP. Et donc, on a constaté, moi j'ai constaté autour de mes enquêtes, j'ai publié dans la Croix Hebdo, dans VSD, dans le Canard Enchaîné, qu'il y a de nombreux domaines viticoles qui prennent des déchets du BTP pour faire un bénéfice et en même temps pour aménager la plantation de nouvelles vignes. Évidemment, les gens ne le savent pas, parce que un château déchet dans son verre, c'est pas très sexy. On en a même trouvé donc qui étaient en AOC, et même un ou deux qui étaient en bio. C'est assez incroyable. C'est le cas du domaine de Souviou. Ce domaine, c'est un domaine qui produit du vin, qui est un gros domaine, hein, qui exporte même pas mal de vin à l'étranger. Ils ont accepté, pareil, justement, des déchets du BTP pour réaménager des vignes. Donc c'est un des nombreux domaines qui fait ces pratiques-là. Et alors, il arrive tout simplement que les propriétaires ne soient pas avertis, et ils arrivent au gré d'une promenade et leur terrain s'est transformé en décharge. On écoute le journaliste Jacques Duplessis. Moi, j'ai rencontré un propriétaire privé qui a découvert, en allant se balader chez lui, quoi. Mais il va évidemment pas souvent, puisque c'est pas constructible, on peut pas y habiter, mais c'est des terrains splendides. Il a découvert du béton qui venait de la passerelle détruite par la mairie de Sifour. Il y a des lieux splendides qui sont dénaturés par des déchets. Là, en l'occurrence, ce qui est assez drôle, c'est que c'est des déchets qui viennent de la mairie. La mairie avait payé une entreprise pour déconstruire une passerelle en béton. Et l'entreprise, pour gagner plus d'argent, a été déposée le béton sur différentes parcelles de propriétaires de la commune. Et ce qui est drôle ensuite, c'est que les propriétaires, eux, ont été verbalisés pour avoir accepté des déchets illégaux. Et c'est allé jusqu'en Conseil d'État. Il y a un propriétaire qui est allé jusqu'en Conseil d'État et donc qui a vu son amende annulée, puisqu'en fait, il est aussi victime. Et ça fait des années qu'ils se battent pour que la mairie récupère ses déchets. Mais alors, le problème pourrait notamment provenir de l'absence de réglementation autour de ces usages. La loi est plutôt bien faite. Le problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée faute de moyens. C'est-à-dire que la DDTM voit son nombre de fonctionnaires diminuer. Donc, c'est problématique pour simplement faire les contrôles. Et ensuite, les décisions de justice ne sont pas exécutées. Par exemple, on a constaté sur un terrain donc que l'entreprise qui avait accueilli des centaines de milliers de tonnes de déchets pour combler des ravins, toujours dans le Var, eh bien, a été condamnée à remettre en état. C'est-à-dire que normalement, ils auraient dû remettre, sortir tous les déchets pour les mettre dans des décharges légales. Sous astreinte de 75 euros par jour. Ils ne l'ont évidemment jamais fait. La justice ne les a pas contraints. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu le terrain à la société Lafarge, qui a installé dessus une centrale photovoltaïque. Donc non seulement la justice, la décision de justice n'a pas été exécutée, mais ensuite l'entreprise a encore fait un bénéfice en revendant le terrain à une entreprise qui en a fait autre chose. Le 1er juillet prochain, de nouvelles dispositions issues de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire vont entrer en vigueur. Elles devraient permettre une meilleure régulation de ce phénomène en augmentant, en aggravant les peines encourues pour les pollueurs et en rendant obligatoires certains documents de suivi. Alors pour le journaliste Jacques Duplessis, il semble également nécessaire de valoriser les initiatives de recyclage des déchets du BTP. Il y a tout un travail qui est déjà commencé, c'est qu'aujourd'hui, on sait recycler les déchets du BTP à 98%. J'ai visité une entreprise qui fait ça, et donc qui, à partir des déchets du BTP, les recycle à 98% pour en faire des matières premières pour d'autres travaux du BTP. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller vers une économie circulaire qui en plus crée des emplois. Puisque ça, on ne peut pas le délocaliser. Donc ça doit être fait en France et ça peut être créateur d'emplois. Et donc, il y a vraiment, d'une part, le recyclage qui est possible. Et d'autre part aussi, on s'aperçoit que le réemploi est possible. C'est-à-dire, au lieu de tout détruire et de tout mettre en décharge, il est possible de démonter des fois des choses dans les bâtiments et de les réutiliser. Et le dernier point aussi qui pourrait faire bouger les choses, c'est que dans les appels d'offres des collectivités publiques, au moment où il y a des destructions de bâtiments, en fait, ce soit décomposant en deux lots. Un lot de destruction proprement dit et un lot de tri et de recyclage. Et comme ça, ça encouragerait les entreprises qui font du recyclage à se positionner sur ces lots au lieu d'avoir un lot unique qui est destruction, où là, ça favorise pour gagner de l'argent de le mettre n'importe où pour faire un maximum de bénéfices. Il va falloir produire encore de nombreux efforts pour réussir à bannir enfin cette pratique qui relève encore d'une logique extrêmement simple, celle du pollueur, pas payeur, pas vu, pas pris. Superfell a été gâché par Juliette Devaux à la production, dévastée à la réalisation par Louise Loubrieux et Vivien Demeyer, et enfin piétiné à la technique par Adelino Mello et José Bernays. Superfell.